Pour la pharmacie générale, je suis en train de. Je ne vous demanderai. Alors, peut-être qu'il veut aller chercher dans des bouquins là, mais je ne vous demanderai que ce qui est donné. J'ai expliqué certaines choses, d'accord ? Que sur des éléments que vous avez donnés, et pas sur des éléments que vous allez trouver dans un bouquin, c'est pas marqué ici, tel que le chat, le robinet ou autre. C'est pour lui, mais les bases de la pharmaco, vous les avez. Quand on passera à la spéciale, c'est autre chose. Quand on passera à la spéciale, vous aurez tout le temps. Vous aurez des explications à donner parce qu'il y a des mécanismes. Je donnerai le polycope et je donnerai toutes les explications. Là, vous aurez le polycope, vous pourrez prendre des notes en plus si vous voulez. Vous êtes d'accord ? Soit clair, deux. Le métabolisme. On a vu donc l'absorption, la distribution, l'élimination qu'on parle dans le pharmaco-cinétique. Le métabolisme est une étape de la pharmaco-cinétique, mais pour certains, il est qu'un. Pourquoi il la considère comme une étape de la pharmaco-cinétique ? Parce que vous avez vu, vous avez spécifié que le métabolisme était un processus d'élimination. Et de ce fait, si c'est un processus d'élimination, il est considéré comme donc on peut l'intégrer comme une étape pharmaco-cinétique. Sauf on avait dit qu'un médicament était absorbé, il subissait une distribution qu'on appelle généralement, vous verrez dans certains bouquins, peut-être ADME. L'ADME, absorption, distribution, métabolisation, élimination. Voilà ce que c'est l'ADME en abréviation. Absorption, distribution, et on avait également vu élimination. D'accord ? À travers, s'il vous plaît, vous arrêtez d'écrire. C'est un schéma global pour asseoir simplement ce qu'on va dire, c'est que le métabolisme peut être parfois, pour certains nombres de molécules, confondu avec l'élimination. D'accord ? Mais c'est un processus qui est à part. Donc je peux mettre, il y a une partie qui est commune. Pourquoi ? Parce qu'un médicament, une fois administré, il va subir ce qu'on appelle le phénomène de résorption, vous vous rappelez la résorption, donc passage, pris en charge par le sang, subir une distribution plasmatique et tissulaire. À ce moment-là, si le médicament subit ce processus, on parlera uniquement de biodisponibilité. Je reviens marche arrière en vous faisant rappeler des choses. Quand vous prenez un médicament et que ce médicament est appliqué localement, s'il vous plaît, ne cochez pas biodisponibilité. Le médicament n'est pas pris en charge par le sang. Vous n'avez pas le droit de me dire ni elle est régulière, ni irrégulière. Parce que le médicament reste localement. La biodisponibilité, c'est la disponibilité d'un médicament dans un milieu, que ce soit le sang, le LCR, le liquide pleural et autres. On est bien d'accord ? La voie locale, il n'y a pas de biodisponibilité. Puisque ça reste in situ. Le médicament n'est pas pris en charge par le sang. Une fois distribué, d'accord, ce médicament subit une métabolisation, d'accord, mais quand il est métabolisé, il ne va pas être éliminé directement. Il y a une autre phase qui est à part, c'est la phase d'effet. Aussi bien un effet primaire qu'un effet secondaire. J'ai dit effet, d'accord ? Donc un médicament peut être absorbé, distribué, métabolisé pour produire un effet et être éliminé. A l'inverse, certains médicaments, une fois distribués, ils vont plutôt produire une réponse pour être métabolisée, éliminée. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on doit choisir, est-ce que le médicament va faire ça? Ou bien l'inverse, au lieu de monter? D'accord. Qu'est-ce qui va conditionner cette orientation? Très bien, c'est la voix. Terminé, monsieur. Celui ou celle qui a dit la voix. La voix d'urgence. La voix d'urgence. C'est pas juste, c'est pas faux. Vous parlez de voix. Et l'autre, vous la considérez comment? Vous n'allez pas me dire que c'est pas une voix d'urgence. Non. Le passage, le passage. C'est-à-dire la voix qui passe d'abord par le passage. C'est quelle voix? C'est la voix orale. Vous avez les données. C'est la voix orale. Vous, vous avez les données, vous n'appliquez pas. C'est la voix orale. Quand on prend un médicament par voie orale, il y a le premier passage hépatique. Le premier passage hépatique. C'est-à-dire une fois, le médicament en majorité, j'ai en totalité, mais en majorité, va passer par le foie pour être ou pas métabolisé. On est bien d'accord, c'est ce qu'on avait dit. On va encore détailler. Donc, pour par la suite ressortir, produire un effet et être éliminé. Alors que la voie d'urgence, qui chante, merci beaucoup, c'est donc la voie IV, donc où le médicament va plutôt produire l'effet ou la voie sublinguale, ce qu'on avait dit chanté. Donc, il va donc produire des effets, c'est pour cela qu'on les considère comme étant des voies d'urgence. Produire un effet pour être métabolisé et être. Il est un schéma est différent. Sauf qu'on doit retenir que la métabolisation est une étape indispensable. Quel que soit le circuit, elle se fera dans le foie. D'accord? On est bien d'accord sur ça? Oui. Vous notez donc en grand train introduction ou généralité comme vous voulez. Une molécule, un médicament, d'accord? Cela se métabolise. Quand je dis médicament, cela sous-entend toujours principe actif et excitant. D'accord, adjoint, tout se métabolise. D'accord. Donc, il y a des cycles de métabolisation qui sont divers. On va les citer, il y a le poumon, on en a parlé. On avait dit qu'il disposait d'un équipement enzymatique plus important que celui du rein. Mais il n'est pas considéré. Là, on cite. D'accord. Donc, vous notez que les principaux cycles de métabolisation sont le poumon, les principaux sites de métabolisation sont le poumon, le rein, la peau, le tube digestif, rate placenta, mais le plus important étant le foie. Quel est l'intérêt du métabolisme? Pas tenir compte de cette diapositive, d'accord? C'est simplement un schéma global. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, notre organisme est codifié. J'en ai déjà parlé en vous disant qu'il y a des enzymes qui sont spécifiques, là, d'accord? Pour dégrader des molécules codées, mais qui sont sécrétées par l'organisme. Pourquoi? Parce que l'affinité étant forte. Mais l'intérêt du métabolisme, la grande définition du métabolisme, son rôle est un rôle détoxifiant. C'est-à-dire transformer une molécule toxique, qui gêne, en une molécule qui est facilement métabolisée. Généralement, quand on prend, on avait dit, pour le principe de base, pour qu'une molécule soit facilement éliminable, il faut qu'elle dispose de groupement OH. OH. Je mets R OH. Tous les groupements, c'est-à-dire il peut avoir autant de OH qu'on veut. Et à la base, on est parti sur une molécule qui était NH. D'accord ? CH3. CH2CH3. NH, etc. D'accord ? Il n'y a pas, je schématise, il n'y a pas de regroupement hydroxyde qui permette d'augmenter l'hydrosolubilité. Donc le métabolisme, ça c'est son principal, c'est son rôle principal. Or, il y a deux grands processus. On parle également, parfois, d'un troisième processus qui n'est pas très intéressant. Pourquoi ? Sur le plan médicament, il est fonctionnel pour les molécules endogènes, mais pour les molécules exogènes, il n'est pas très fonctionnel parce qu'il faudrait que la molécule possède un caractère où il a un propice pour des transporteurs. On en a parlé, d'accord ? Pour certaines molécules qui subissent le cycle entéro-hépatique, etc. On en parle. Donc généralement, vous allez retenir qu'il y a deux processus. Il y a ce qu'on appelle la phase 1 et il y a la phase 2. Un médicament peut subir la phase 1 pour être éliminé. C'est-à-dire que la phase 1 à elle-même suffit pour dégrader. Et généralement, la phase 1, vous allez voir, on va la voir tous ensemble, elle a les phases d'oxydation. Pourquoi oxydation ? Vous avez constaté, on a tout simplement introduit un oxygène. Il n'y a rien d'important. Donc c'est une oxydation. Souvent, la phase 1 est insuffisante. Donc il faudrait que le médicament, après la phase 1, subisse la phase 2 pour être éliminé. Pourquoi l'élimination ne se fait pas directement ? Parce que l'hydrosolubilité n'est pas. Il y a plus de groupements H que ça. Il y a très peu de groupements hydrosolubles. Et à ce moment-là, le médicament n'est pas utilisé. Il faudrait que la phase 2 intervienne pour augmenter l'hydrosolubilité. La phase 2 est appelée, vous allez le voir, c'est une phase de conjugaison. Elle est copiée sur un mécanisme endogène qui est la conjugaison, je reviens, de la bilirubine. La bilirubine libre, mais étant très hydrosoluble, on la conjugue pour augmenter son hydrosolubilité. Donc certains molécules, l'organisme, on va le dire, fait du copier-coller. Certains médicaments peuvent subir directement la phase 2 pour être éliminés. Ils n'ont pas besoin de la phase 1. D'accord ? Pas obligatoire. Le rôle, dans notre tête, c'est comme si c'était un jeu, il faudrait tout faire pour favoriser l'élimination. Donc, soit que l'élimination se fasse d'elle-même, elle n'a pas besoin pour les molécules hydrosolubles. Soit que cette molécule n'a pas assez de groupements hydrosolubles. D'accord ? Donc, elle peut passer, elle en a, mais pas suffisamment. Donc on peut faire intervenir directement la phase 2. Mais si une molécule n'a pas du tout de OH, donc elle est obligée de passer par la phase d'oxydation, la phase 1, pour au moins créer un OH. On est bien d'accord sur le raisonnement ? Donc il y a des étapes, sauf qu'il faudrait faire attention pour les médicaments. La phase 2 peut être directe. La phase 1 peut être direct. La phase 2 suit la phase 1. Oui, vous cochez. Mais la phase 1 ne suit jamais la phase 2. Bien sûr. Merci. Mais moi, j'ai vu des réponses concrètes. C'est pour ça, j'insiste. la phase 2 ne peut pas la phase 1 précède. Je change de phase. Rien de crucial. Je change de terminologie et entre les étudiants. Regardez bien, vous faites quelqu'un. C'est quoi précéder? Après, c'est rien de pas. Après, elle peut être seule. Mais elle ne peut pas venir après. La D, s'il y a. Pourquoi? Parce qu'on dit que la phase d'oxydation est une phase dégradative de compressage. Alors que la phase de conjugaison est appelée phase de synthèse, de construction. D'accord? Vous ne pouvez pas construire. Vous pouvez dégrader. Vous pouvez casser. Bien qu'on le fait. On passe notre temps à faire ça. Chez nous, ça existe, mais dans l'organisme, on n'a pas fait ça. Il a fait de façon harmonieuse. Sauf, maintenant, si les molécules ont été, si les enzymes ont été codifiées pour des molécules endogènes, elles n'ont pas été conçues pour les molécules exogènes. Et sur cela, on va dire en conclusion que le métabolisme est aveugle. Il fait du copier-coller. Et on dit souvent que le métabolisme d'une molécule exogène est inscrit dans sa formule. Cela sous-entend que s'il y a une enzyme, puisque c'est une liaison, s'il y a un groupement spécifique, il va s'utiliser. Mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne enzyme? C'est ce qu'on va voir. Et vous allez voir que le métabolisme, je vous ai dit la dernière fois, à titre d'exemple, que si on ne visitait pas aussi nombreux, on aurait fait un TP, d'accord? C'est de prendre une molécule, ça, c'est la paracétamol ou l'aspirine, c'est de doser la concentration, et vous allez voir qu'on a des concentrations différentes, en considérant qu'on est des populations, vous avez le même âge, plus ou moins, donc il n'y a pas de temps pathologique. Et vous allez voir des concentrations totalement différentes. Et là, sur le plan de métabolisme, vous allez trouver des concentrations éliminées qui sont également totalement dans le même groupe, il y a des sous-groupes. Cela sous-entend que c'est quoi? Il y a une dégradation. Et quand on dit dégradation, on parle de vitesse. On ne peut pas parler de quantité d'enzymes. Parce qu'on ne peut pas doser une quantité d'enzymes. Par contre, ce qu'on dose, c'est une vitesse enzymatique. C'est une vitesse de dégradation, c'est une cinétique de dégradation. Et là, on va voir donc le cours selon deux aspects. Il y a un aspect qualitatif. L'aspect qualitatif, c'est-à-dire que l'être humain dispose d'un équipement enzymatique qu'on va citer, et à quoi sert cet équipement. Mais par la suite, on va voir un aspect quantitatif. Mais l'aspect quantitatif, ne me répondez pas quand je parle d'aspect quantitatif, c'est pas une quantité. C'est quels sont généralement pourquoi moi je dégraderai moins qu'elle et pourquoi elle dégraderait plus rapidement que vous. Alors, c'est-à-dire, en fin de compte, il y a des, on appelle des facteurs de variation. Et on va aller voir qu'est-ce qui fait que l'un dégraderait plus rapidement que l'autre ou vice-versa. Pourquoi ça va vous aider à comprendre en conséquence ou en conclusion. Quand vous aurez à donner un traitement, pourquoi certains traitements répondent, d'accord, et pourquoi les traitements ne répondent pas. Et on va voir, si on a le temps, aujourd'hui, sinon ça ne sera pas qu'au prochain, je vous annonce le plan du cours. Je vous ai dit un terme, c'est que lorsque le temps de demi-vie est long et l'activité est courte, vous répondez redistribution. Aujourd'hui, on va voir l'inverse. Que certains médicaments ont un temps de demi-vie qui court, mais que leur activité dure plus longtemps, alors que le médicament a disparu. Pourquoi l'activité persiste? Regardez les métabolites sont actifs. Ce sont les métabolites. Ces deux produits, quand vous prenez à titre d'exemple, et je clôt la parenthèse en passant au cours, quand vous prenez l'aspirine, l'aspirine a un temps de demi-vie de 15 à 20 minutes. Or, quand on donne de l'aspirine chez les enfants, pour voir ou pour traiter la fièvre, on dit qu'on donne les 4 heures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'acide acétylsalicylique qui a un effet anti-inflammatoire, antipyrétique. C'est l'acide salicylique, c'est son métabolite. C'est le produit des dégradations qui a un effet plus important et plus long. La même chose pour l'allopurinol, qui est un antigoutteux. L'allopurinol, quand il se dégrade, il donne un antigoutteux plus puissant que la molécule. Mais, etc. Le temps de donner vie de la molécule est court, mais la durée d'activité est longue. Là, vous pouvez cocher en fermant les yeux en disant que c'est le métabolite qui est. Maintenant, en finalité, quand vous aurez, maintenant vous ne serez pas des pharmacologues, mais la question de ce des thérapeutes, c'est la question que va vous apporter le métabolisme quand vous allez savoir que vous avez un médicament, ce métabolisme, quand ça va prendre, ça va vous donner ça, pour vous, ça va vous servir à quoi? C'est ça la question que vous allez vous poser. Quel est l'apport demain si j'ai une molécule et que je puisse lire ces données, ça va m'aider à quoi? Ça va m'apporter quoi? On est nouvelle haute? C'est tout ce que j'attends de vous. Voilà, deuxièmement, le plus haut du cours. Donc vous notez toujours, on est toujours dans l'introduction, vous notez que le métabolisme se fait essentiellement selon deux phases. Se fait essentiellement selon deux phases. La phase 1, appelée phase de dégradation ou oxydation. La phase 1, phase dégradation, ou appelée également phase oxydative. Et la phase 2, c'est une phase synthétique, appelée également, c'est une phase conjugaison. Synthétique, appelée également phase de conjugaison. Le rôle du métabolisme est de transformer une molécule liposoluble. Le rôle du métabolisme est de transformer une molécule liposoluble en une molécule hydrosoluble. Pardon ? Là, vous ouvrez une petite brèche. On en profite, on va en parler. Est-ce que tous les médicaments subissent une dégradation? Non, on avait dit. Pour qu'une molécule se dégrade, il faut qu'elle soit lipo. Aussi peu. Pour parvenir aussi peu de dégradation, il faudrait, parce qu'il y a deux conditions. L'une, si vous avez une molécule hydrosoluble, elle n'arrivera jamais au niveau du foie. Elle sera directement éliminée. Vous avez une molécule A absorbée, d'accord? Elle va suivre une cinétique toute droite. Absorption, distribution, élimination. On en a parlé, il n'y a pas de métabolisation. Et vous allez me dire, monsieur, quel est l'intérêt de prendre un médicament qui est absorbé, distribué pour être éliminé? Oui? Effet? On donne, c'est une molécule qui est prescrite en thérapeutique. Et qui est hydrosoluble, on en a parlé. Pardon, c'est pas un petit peu de molécule active. Donc je ne vois pas pourquoi je vais prescrire une molécule qui est absorbée et distribuée pour être éliminée. Pardon ? Une molécule, voilà également, ça c'est des petits erreurs que vous répétez, une molécule qui est hydrosoluble, vous avez, ce que vous dites n'est pas faux, mais là je vous arrête au départ, je vous expliquer la vérité. Une molécule hydrosoluble qui est donnée dans un but systémique ne peut en aucun cas être donnée par l'enfant. C'est une action. Si l'objectif, si le problème, si je donne du malox, là, je suis d'accord. Mais je parle d'une molécule, là, l'élimination, D'accord ? Elle se fait systématiquement par voie intestinale. Il n'y a pas de résorption. Par contre, regardez, s'il vous plaît, je vous sollicite par courriel des cours. J'insiste, quand vous aurez une question, lisez bien la question avant de répondre. Vous avez la sale manie, la mauvaise manière, quand vous avez un examen, vous lisez la question une fois, vous commencez à lire les réponses. Et vous tardez plutôt sur les réponses. On me perd. Ah, c'est pas ça. Annulez la question. Et vous allez perdre du temps. Vous perdez plus de temps sur la question. Pourquoi ? Parce que par la suite, au moins, vous aurez la possibilité d'écarter les réponses fausses. Vous mettrez au moins deux suggestions, vous assistez sur une suggestion. Mais ne lisez pas. D'accord ? J'ai dit dans mon explication, vous avez une molécule qui est absorbée et distribuée. C'est-à-dire qui est passée dans le sang. Et qui est éliminée. Cela sous-entend si j'ai le médicament qui a été absorbé et distribué, c'est qu'il y a une biodisponibilité. On est bien d'accord ? Donc, c'est plus l'objectif. Même si je ne l'ai pas cité, du moment où on m'a parlé de distribution, il n'y a plus d'objectif de traitement local. C'est un traitement systémique. On est bien d'accord ? Maintenant, alors quel est l'intérêt de donner un médicament qui est absorbé, distribué et... absorbé, distribué, hydrosoluble. Elle ne peut pas être métabolisée. Métabolisée, absorbée, c'est donc quel est l'intérêt ? Très bien, tout simplement, on en a parlé. On en a parlé, j'ai dit que c'est le lieu d'élimination et en même temps lieu d'action. Heureusement. En même temps, parce que, et je vous ai même dit que parfois, que je vous ai donné cet exemple, cette molécule, que parfois, ce type de molécules sont une arme à double tranchant. Parce que, en même temps, je vous ai donné l'exemple de la classe des aminosides, toujours, il y en a d'autres, c'est qu'en même temps, ils traitent, mais vous verrez, que ce sont des médicaments liste 1. Ils sont nécro-toxiques. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien l'effet primaire que l'effet secondaire. Pourquoi ? Parce que le médicament ne s'élimine que par cette voie. Il se stocke à cette voie. Et en même temps, il va générer des lésions. Je vous ai donné également, la dernière fois, la même chose, pour les molécules liposolubles qui subissaient un transfert actif éliminé par la bile. Je vous ai dit que ce sont des médicaments qui ont également traité toutes les pathologies biliaires, surtout quand on avait une intrinsèque. La voie d'élimination également lieu d'action. Et vous verrez souvent dans les classes que pour ces molécules, quand on vous verrez comme effet secondaire, eh bien, il y a un risque d'ITR. Parce que on va altérer la conjugaison de la bilirubine. Il va entraver et ça sera un effet secondaire qui va apparaître, etc. Donc c'est pour cela maintenant, quand je dis que j'ai, parce que dans notre tête, je donne un médicament pour être absorbé, distribué, pour être éliminé, ça n'a pas de sens. Or, ça a un sens, l'élimination, c'est en même temps lieu d'élimination et lieu de traitement de toutes les infections et pathologies rénales. Parce que c'est une molécule hydrosoluble, donc elle va se concentrer au niveau du sein. Là où il y a le problème, là où il y a un dysfonctionnement. On est bien d'accord ? Bon. En une molécule hydrosoluble. On est bien d'accord sur ça. Oui. D'accord ? Son rôle, vous notez que le métabolisme des molécules exogènes, le métabolisme des molécules exogènes, et aveugle. Le métabolisme des molécules exogènes et aveugle. C'est-à-dire que si je devais changer ma phrase, le métabolisme des molécules endogènes est... endogène, spécifique. Non, est codifié. Oui. Il est codifié. Les molécules endogène de codifier. Chaque molécule a son enzyme, parce qu'il y a une affinité. D'accord ? Mais pour les molécules exogènes, elle est aveugle. Pourquoi ? Notez. Car la destinée de ces molécules, car leur destinée est inscrite. Leur destinée est inscrite dans leur formule. Leur son. C'est plus de plusieurs molécules. Leur destinée sont inscrites dans leur formule. Sont inscrites et pas et. C'est pluriel. Notez que les. Donc là, vous allez prendre ce qu'on avait dit qu'il y a deux phases, phase d'oxydation et phase de conjugaison. On a dit que les principales, avant de les. Avant de les prendre, je ne vais pas dicter, sauf je vous montre qu'il y a deux caractéristiques à noter. C'est qu'il y a des phases, la phase 1, d'accord ? Et généralement, les phases 1 sont à localisation microsomale, alors que les enzymes de la phase 2 sont à localisation cytosolique. Ça, c'est la première. Deuxième élément, c'est plus facile à retenir, c'est que toutes les enzymes de la phase 2, toutes les enzymes, pardon, se terminent par transférase. Pourquoi ? Parce que c'est une phase de construction. Je construis. J'ai une molécule qui n'est pas assez hyposoluble, d'accord ? Je ramène un autre élément qui va augmenter son hyposolubilité. Mais celui qui va en est, c'est une enzyme, d'accord ? Et on en trouve généralement, elle se termine par transférase. C'est un transfert qui permet à cette molécule qui était liposoluble, donc en la couplant avec une molécule qui a plus de OH à ce niveau-là, donc elle va augmenter son hydrosolubilité. D'accord ? Mais il faudrait retenir, on va le voir, ce sera toujours, pour que vous puissiez retenir ce cours intelligemment, il y a une enzyme, mais cette enzyme va ramener quoi ? Elle va ramener. Un groupement. Pas des groupements, elle va ramener une matrice. Elle va ramener du matériel. Pour construire, vous voulez construire un mur, d'accord ? Eh bien, il nous faut du brique, du ciment, de gros, du sable, etc. Donc il nous faut de la matière première. Donc on va ramener un élément matriciel qui va ajouter à cette molécule pour augmenter son hydrosolubilité. Les enzymes sont en phase de vous, donc phase 1, phase 2, mais vous allez voir qu'on va détailler certaines et passer rapidement sur d'autres parce qu'elles ont un rôle très particulier, d'accord ? Oui. Monsieur, je n'ai pas compris la phase que vous venez de vous faire. La phase ? La phase. La phase ? La phrase. La phrase. Oui. Le métabolisme des molécules exogènes est aveugle. Oui. Je vous ai dit pourquoi j'ai terminé. Car le mécanisme, vous allez voir les exemples, c'est mieux. Est inscrit dans sa formule. C'est-à-dire que parfois, l'enzyme ne reconnaît pas une hormone. Elle est spécifique pour la dégradation hormonale. D'accord ? Ou là pour la dégradation de l'insuline. Ou là pour la dégradation de l'adrénaline. Donnez-moi des exemples. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a une molécule qui a une structure qui est proche d'une molécule endogène, eh bien, l'enzyme va se fixer par. De façon aussi parfaite que ça, avec une molécule endogène, elle va faire ça. D'accord ? Il n'y aura que un ou deux groupements. Mais le produit de dégradation n'est pas obligatoirement bon. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est aveugle. C'est-à-dire qu'il reconnaît quelque chose, bien, il n'y a qu'une seule liaison, mais les conséquences ne sont pas obligatoirement les conséquences d'une dégradation d'une molécule endogène. C'est du copier-coller. D'accord ? Les exemples, vous les avez. Les prenez s'il vous plaît, bien sûr. Je sais que les principales enzymes de biotransformation Yeah. هذوك لي زيفيكاس دهنا اسبريكا كيتغني كلبيس ميسا تحس على شوفوا هذه الثانية ليو سبيسيفيك Selon deux aspects. Le métabolisme peut être vu selon deux aspects. Et quand vous avez dit grand 1 production, grand 2, c'est aspect qualitatif. Le métabolisme peut être vu selon deux aspects. D'accord ? Vous avez dit grand 1 tout à l'heure, grand 1 production. Vous mettez grand 2 maintenant, aspect qualitatif. Notez que il concerne l'étude des enzymes. C'est quoi l'aspect qualitatif? Qu'est-ce qu'on entend par aspect qualitatif? La qualité de l'étude. Donc, il concerne l'étude des enzymes qui interviennent au niveau des différentes étapes du métabolisme. Les différentes étapes du métabolisme. Ceci sous-entend deux conditions. Ceci nécessite deux conditions. Ceci nécessite deux conditions. D'abord, on étudie que la molécule puisse atteindre le site de transformation. Très bien, merci beaucoup. L'hypo, que la molécule puisse atteindre le site de métabolisation. Que la molécule puisse atteindre. Il faudrait qu'elle arrive. Si elle n'arrive pas au niveau là où il y a le concasseur, elle ne sera pas métabolisée. Ça, c'est la première condition. Mais est-ce que toutes les molécules qui arrivent vont être obligatoirement dégradées? Non. Non. Deuxième condition, il faudrait que ceci soit pourvu d'équipements enzymatiques adéquats. Équipements enzymatiques adéquats. Donc, j'ai deux conditions. Que la molécule puisse atteindre le site de métabolisation, d'accord. Deuxièmement, que ce site soit j'ai dit pourvu, dépourvu, c'est la gâche. Que ce site soit pourvu d'équipements enzymatiques adéquats, c'est-à-dire en parenthèse une affinité. Parce que je vous ai cité également un exemple. Une molécule donnée dans le diabète, la metformine, elle est liposoluble, elle rentre dans le foie, elle ressort. On donne de la metformine, elle ressort metformine. Elle n'est pas dégradée, malgré que ce soit liposoluble. D'accord ? On va y aller. Votre question est bonne, mais principalement. On va en parler. On va voir des exemples. D'abord, la réaction d'hydrolyse. Petit A, comme vous voulez, dans l'aspect. La réaction d'hydrolyse. Réaction d'hydrolyse. L'hydrolysie, c'est cassé. D'accord ? C'est une grave dégradation. Avant de noter, il y a sur le tableau, comme je dis, de mettre la connaissance, si vous avez posé une question, à quoi va vous servir ? La connaissance, je sais qu'une molécule va passer par le foie, elle produisez. On sait que dans notre organisme, il y a des enzymes qui sont physiologiquement qui existent. C'est les estérases. Une des enzymes que vous connaissez tous. En estérase, c'est... Oui, c'est ça qui dégrade la cystine. La cystine, estérase. Il y a des butines, estérase. Ce sont donc des enzymes qui sont spécifiques, carrément, à une molécule androgène qui est la cystine. Pour arrêter la transmission ou l'excitation, heureusement pour cette enzyme qui casse la cystine pour donner de la choline et l'acide acétique qui va se concilier dans la cystine. Ça, c'est un mécanisme endogène. Mais il arrive parfois, par connaissance de ce mécanisme, on peut carrément donner des molécules qui ont pour but carrément connaissance des enzymes. Les estérases existent dans le digestif, eh bien, on a mis à profit deux choses. D'accord ? Pour certains, je vais vous donner deux grands exemples, c'est souvent il y a des sirops qui sont commercialisés et qui ont un goût très amer. D'accord ? Certains antibiotiques. Et là, maintenant, il y a des antibiotiques goût banane, goût fraise, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a l'antibiotique. Et on lui a greffé quoi ? Un arôme. Comme si on le gâteau. Tout simplement. On lui a greffé. Automatiquement, cette molécule telle qu'elle existe, ça c'est le médicament, et ça c'est l'arôme. D'accord ? Grâce à une liaison estérique. Quand le médicament est avalé au niveau du digestif, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une hydrolyse qui va libérer le médicament de l'arôme. Le médicament peut être absorbé, il est de vapeur moléculaire, maintenant qu'il soit amer dans l'estomac, on sort. Ça ne nous intéresse pas, c'est plus un problème. Et l'arôme va être éliminé. On met à profit, parce que souvent, les fonctions, parce qu'on connaît, les fonctions les plus amères, c'est les fonctions NH2, amide et amide. D'accord ? Une odeur et un goût très amer. On dit qu'ils ont un goût astringent. Astringent, c'est bon. Le chien. Oui. Le chien. Donc, elle le connaît. C'est bien. Automatiquement, on masque la fonction avec un arôme. Oui. Et de ce fait, sur le plan de production pharmaceutique, on connaît le métabolisme, on a synthétisé. Mais parfois, on peut comprendre d'autres enfants. Alors, c'est un exemple dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous, en tant que futur thérapeute, il y a des problèmes. Certains sujets vont développer des intolérances à des molécules aussi simples que l'aspirine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit. Il y a un déficit enzymatique congénital. Il n'y a pas assez d'estérase. Automatiquement, au niveau du sang, la molécule ne sera pas dégradée, son temps de demi-vie va augmenter, on aura des effets secondaires, exagérés. Suite à quoi, il y a un déficit. C'est une intolérance. On parle de ça et on dit souvent que c'est une intolérance à la succinyle choline. Beaucoup de médicaments parce qu'il y a un déficit en cette enzyme. Mais le déficit de cette enzyme a provoqué quoi ? Merci beaucoup. Une surcharge. Si demain je mets surdosage, c'est fou. La dose que vous avez donnée était normale. Mais le déficit, le défaut de métabolisation a fait que la concentration plasmatique augmente. Et vous avez des effets secondaires exagérés. Bon, on ne va pas comprendre parce qu'on n'a pas une cartographie génétique. On ne sait pas. Chez nous, quel est le déficit ? Comment la population ? Notre population est souvent, faites attention, on indique, on a toujours tendance à faire, je m'excuse, du copier-coller pour certains schémas thérapeutiques. C'est vrai que c'est des schémas qui ont été dans une population aux États-Unis ou là au Canada, ou là, mais qui n'est pas propre aux pays africains. On peut présenter des tares, c'est vrai, mais de faire une surveillance parce que souvent, certains déficits, surtout dans le métabolisme, vont faire apparaître soit la concentration augmente, soit nous devons donner naissance à des métabolites qui sont dangereux. D'accord ? Vous avez compris le premier exemple ? Donc vous notez que la connaissance du mode de dégradation, la connaissance du mode de dégradation, d'un médicament, peut aider au développement pharmaceutique d'une molécule. Exemple, masquer un goût désagréable. Exemple, masquer un goût désagréable. Ou l'administration d'une prodrogue. Ou l'administration d'une prodrogue. Afin d'éviter sa dégradation initiale. Elle permet également d'expliquer sur le plan clinique. Elle permet également d'expliquer sur le plan clinique l'apparition des effets secondaires. En cas d'un déficit enzymatique congénital. Provoqué par une surcharge. Provoqué par. J'ai parlé de l'apparition des effets secondaires. Surcharge. Mais la surcharge est due à quoi ? Déficit enzymatique congénital. Au niveau de l'estomac, qui est acide, ce groupement peut être décapité. On décapite le groupement. À ce moment-là, si on a enlevé le groupement actif, ce groupement est indispensable. Je vous donne un exemple très simple. Des clés. Des clés d'abdame, des vagins. D'accord ? Il y a donc ce qu'on appelle des dents. S'il y a une des dents qui sort, on ne peut plus ouvrir. D'accord ? Ce qu'on appelle parfois des groupements. Et pour se fixer, d'accord ? Pour se fixer, on a, pour que ça, ce médicament se fixe sur un récepteur, il a besoin de ce groupement. Si ce groupement est décapité, donc le médicament ne pourra jamais se fixer sur le récepteur et ne pourra jamais produire un effet. Donc pour garder ce groupement, on le protège, on le masque. Et on appelle ça une prodrome. On est bien d'accord ? Là, la conjugaison. Vous posez toujours des questions, vous allez plus vite que la musique. Hein, vous doublez. Votre camarade dit quelle est la différence entre ça et la conjugaison. L'hydrolyse est une enzyme qui vient, qui casse. D'accord ? La conjugaison, il n'y a pas de casse. C'est quelque chose qu'on vient, qu'on ramène, qu'on fixe sur quelque chose. On n'a pas disloqué la molécule, on a construit encore une autre molécule. Vous allez le voir en exemple. Je vais vous parler rapidement, bien qu'elle soit la plus importante, à côté de l'hydrolyse, c'est cette fameuse mono-oxygénase. Vous avez fait réaction d'hydrolyse, c'est ça ? Petit B, des réactions d'oxydation, ou la réaction d'oxydation. C'est le système enzymatique le plus performant. Voilà. Réaction d'oxydation, vous posez ici. Marque de schéma. Pourquoi on l'a appelé ? C'est une, comme toute enzyme, c'est une protéine. C'est une protéine. C'est le nom P, protéine. Pourquoi 450 ? Elle est proche de l'hémoglobine. La différence. Elle est très proche de l'hémoglobine, à la différence que l'hémoglobine a un fer F2. Et là, elle a un fer ferrique. Et quand on fait le déroulement du spectre de cette protéine, elle absorbe un maximum d'absorption à 450 nanomètres. Et c'est pour cela qu'on appelle cytochrome P450. Ça, c'est très important. Donc, pourquoi on appelle ce sans que c'est une molécule qui est proche. Heureusement, le corps. Que le bon Dieu fait des choses très bien, qu'elles soient sous forme ferrique et non ferreux. D'accord ? Sinon, elle va être en compétition avec l'hémoglobine pour fixer l'oxygène. Donc, elle est en stand-by. D'accord ? Et on revient au système. Pour faire une oxydation, c'est quoi ? C'est prendre un oxygène et le fixer sur la molécule. On est d'accord ? Là, c'est plus une matrice, c'est un oxygène. Mais pour fixer l'oxygène, et bien tout simplement, la cytochrome dans cet état, elle est incapable. Parce que le fer ferrique ne peut pas fixer l'oxygène. Il faut qu'il soit comme celui de l'hémoglobine, ferreux, F2 plus. Et là, vous allez voir qu'il y a une réaction, et c'est pour ça qu'il est déclenché, il est inductif. Donc, et bien, il va y avoir des donneurs, des coenzymes, voilà, qui vont ramener des électrons, qui vont transformer le fer ferrique en fer ferreux. Ce fer va fixer l'oxygène, d'accord ? Et puis, ce fer est insuffisant pour attaquer la liaison, CH est très stable. Donc, il faudrait ramener beaucoup d'énergie. Et bien, on va ramener encore des électrons pour transformer cet oxygène en oxygène superactif, on appelle un superamine, qui va casser le RH pour le transformer en ROH. Et comme on a donné pour activer, je vais revoir, c'est pour que je vous le cite tout simplement, hein, vous n'avez pas besoin d'apprendre le schéma. Ce que je vous demande de retenir, c'est qu'il est incapable de fixer l'oxygène, qu'il a besoin de donneurs, d'électrons, mais quand vous donnez un électron, vous avez besoin d'un proton, d'accord? Parce que c'est soit le système, généralement c'est le système NAD, ce sont les courants I, ça fait bien, c'est beaucoup plus NAD, d'accord? Qui soit NAD P, soit NAD H, d'accord? Qui vont donner des électrons, et en même temps ils perdent des protons. Et comme on a fixé un oxygène, un O va se fixer sur le ROH, il prend un oxygène. Mais quand vous avez donné deux électrons, vous avez deux protons, et donc il y aura une molécule d'eau qui va. Donc il y aura production également d'eau. En même temps, donc, on a transformé RH en ROH, qui est un oxygène, et le deuxième oxygène va être léger par des protons que vous êtes H2, d'accord. Et le cycle se fait comme ça, perpétuellement. Et il ne peut être déclenché que si et seulement si on a transformé le fer phénique en fer ferreux. Ça, c'est un mécanisme. Je vous demande de le retenir globalement, mais qu'est-ce que vous allez retenir en fin de compte dans ça? Vous notez, s'il vous plaît. C'est une hémoprotéine. C'est une hémo, H-E-M-O. C'est une hémoprotéine qui possède un fer ferrique. Hémo, H-E-M-O, protéine. Qui possède un fer ferrique incapable. Un fer ferrique incapable de fixer l'oxygène. Ce dernier nécessite une activation. Grâce à des coenzymes. Grâce à des coenzymes donneurs d'électrons. Cette molécule absorbe à 450 nanomètres. Un maximum d'absorption à 450 nanomètres, d'où son appellation. À 450 nanomètres, d'où son appellation. À 400 nanomètres. Maximum d'absorption. Vous n'allez pas prendre ça. J'explique ce que j'ai déjà cité. Vous avez une molécule, d'accord? Elle ne peut pas se fixer, d'accord? Il faudrait transformer donc la molécule qui est liposoluble et piégée dans le cycle de l'enzyme, mais elle est piégée sous forme RH. La molécule ne peut pas ramener l'oxygène parce qu'il faut transformer le fer ferrique en fer ferreux. Grâce à des donneurs d'électrons, je rappelle, les coenzymes, c'est surtout la NADPH réductase. Cette dernière va activer le fer en fixant les deux molécules. Et à ce moment-là, on régénère. Qu'est-ce qui se passe? On régénère la molécule qui était liposoluble en une molécule hydrosoluble parce qu'on l'a fixée à OH, d'accord? Et que l'enzyme revient à son état normal initial avec une molécule d'eau. Ça, c'est pas à prendre pour vous expliquer comment ça se fait, comment le cycle se fait. Le cycle se fait très simplement, d'accord? Vous avez une molécule qui ne peut pas fixer l'oxygène. Elle peut piéger la molécule liposoluble, mais elle ne peut pas casser la liaison. CH. Il faut de l'oxygène. Mais pour cela, le fer est incapable. On ramène des électrons. On a ramené des électrons pour transformer le fer ferrique en fer, ferreux, et à ce moment l'oxygène est fixé. L'enzyme va faire quoi ? Elle va transférer cet oxygène sur la liaison RH pour la transformer en ROH. Une fois qu'elle est transformée en ROH, elle libère la molécule qui est hydrosoluble et elle revient à son état initial qui est ferrique. D'accord ? Oui. Ce que je vous demande de tout simplement, c'est du système d'oxydation, c'est une homoprotéine, d'accord ? Mais qui ne fonctionne pas seul que si on lui ramène une coenzyme qui est la NADPH réductase. D'accord ? C'est essentiellement la NADPH réductase. Quand vous avez mis les réactions d'oxydation, d'accord ? Je voulais vous parler d'une. Avant celle de conjugaison, je vous ai mis tout à l'heure, quand vous avez cité, j'ai mis la cytochrome dans l'état pur. Vous avez la cytochrome des monooxygénases. Pourquoi on dit les monooxygénases ? La cytochrome, c'est un complexe. Là, il n'y a pas que la cytochrome, il y a les coenzymes. Donc il y a, je vous ai mis tout à l'heure, l'époxy ou hypoxyde. Il y a la flavine oxydase, et qui n'intervient pas beaucoup dans les médicaments, mais je vous ai parlé de l'époxy ou hypoxyde hydratage. C'est quoi ? Si vous marquez un tout, bien, simplement, moi, dans le code de votre chimie, c'est quoi un époxyde ? Hein ? Non, c'est pas H2O2. L'époxyde, c'est carrément quand vous avez deux carbones et vous avez un oxygène entre les deux carbones. Vous savez, ça donne un triangle CC et vous avez des liaisons avec l'oxygène. Chaque fois qu'on a formation de molécules à l'heure actuelle, d'accord ? Vous entendez parler de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif est responsable du cancer. Toutes les molécules qui produisent ce qu'on appelle un stress oxydatif sont responsables de une des études sur le cancer du sein. C'est une des explications qui peut être générée par la femme, soit de façon physiologique, soit par l'absence des hormones excessives. D'accord ? Où certaines hormones, quand elles sont dégradées, donnent naissance à ce qu'on appelle des dérivés époxydés. Et les dérivés époxydés vont s'intercaler avec l'ADN. Et donc, on appelle un époxydé. Dans notre organisme, aussi bien avec les aliments et autres, on produit des dérivés époxydés. Ça existe. Même avec des molécules endogènes. Sauf que dans notre organisme, on a cette enzyme. Cette enzyme permet tout simplement de faire quoi ? Voilà ce que c'est un époxyde. Eh bien tout simplement, c'est une enzyme qui n'existe pas en grande quantité, sauf qu'elle permet de casser une liaison et de transformer ce qu'on a un O H. en OH ou coulé à OH. C'est pour ça qu'on l'appelle un hypoxyde hydratase. H2O, oui. Et on transforme une molécule qui était très liposoluble en une molécule qui est hydrosoluble. C'est une enzyme de détoxification qui intervient de façon physiologique. Sauf qu'on n'existe pas en grande quantité. S'il y a défaut d'activité et s'il y a une molécule, époxyde, qui s'intercale avec l'ADN, avec un acide nucléique, le processus se déclenche. D'accord ? Et pour cela, on dit que les dérivés époxydés sont cancérigènes. D'accord ? Avec tout. C'est pour vous parler, tout simplement, d'accord ? De cette molécule. Si la flavine, la flavine n'intervient pas beaucoup, elle n'est pas assez puissante pour les médicaments, elle intervient beaucoup plus avec les molécules endogènes, mais pas avec les molécules exogènes. L'époxyde ou l'hypoxyde hydratase intervient aussi bien pour les molécules endogènes que pour les molécules exogènes. Sauf que la performance, elle est réduite parce que la quantité, il n'y a pas de masse. On passe à la phase 2, et vous avez troisièmement les réactions de conjugaison. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que une molécule RH subissait la phase 1 pour avoir quelques groupements qui pouvaient permettre à la phase 2 d'intervenir. D'accord ? Mais il arrive parfois que la phase 2 intervient. Exactement. Pourquoi ? Parce que certaines molécules ont au moins un groupement qui permettent. D'accord ? La phase 1 peut générer AC2OH pour augmenter l'hydrosolubilité. Mais parfois, elle est insuffisante. Il faut que la phase 2 intervienne. Mais la phase 2 n'intervient jamais avant la phase 1, ou la phase 1 n'intervient pas après la phase 2. Après la phase 2. Vous notez que les principales réactions de conjugaison sont, d'accord ? Premièrement, la glucuroconjugaison. Conjugaison. Et j'avais tout à l'heure dit l'enzyme UDPG transférase, phosphate, acide glucuronique. C'est pour ça que. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Avant de prendre note, s'il vous plaît, pour retenir ça, avec ce cours peut être fait et appris avec une page. En mettant des mots-clés, vous n'avez pas besoin d'avoir 3 ou 4 pages pour apprendre ce cours. Qu'est-ce que vous êtes censé retenir ? C'est une phase qui nécessite un groupement fixateur. Elle nécessite une enzyme transfert, qui ramène. Elle doit ramener quelque chose, elle ramène la marchandise. D'une matrice, il faut qu'il y ait des coenzymes. Là, le coenzyme, c'est l'uridine, glyphosate, glucuronique, l'acide glucuronique. D'accord ? Elle va ramener quoi ? Tout simplement, vous constatez. L'acide glucuronique inhibé. La glucose. Tout ce qui est glucose. Ouais. D'accord ? Et c'est pour cela, vous aurez, on va poser une question par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai dit tout à l'heure, imaginez. C'est pas la peine de prendre ça, c'est pour vous donner un schéma. Oui. Vous connaissez tous le benzène. Le benzène est un. C'est un produit qui est cancérigène. C'est pour cela que maintenant, avant, on l'utilisait dans la peinture. Voilà. Vous sentez l'odeur. En tout cas, c'était dangereux. Maintenant, on a tendance carrément à le supprimer. Pourquoi ? Parce que le benzène, quand il se métabolise, il donne un dérivé. Époxyde. Époxydé. D'accord ? Mais quand il y a suffisamment d'enzymes, je vous ai dit que l'UDP, quoi ? L'époxyde hydratase, vous pouvez casser ça et vous pouvez le transformer en, on appelle, en phénol. D'accord ? On peut transformer chez le phénol. D'ailleurs, en médecine du travail, ce qu'on fait, le phénol, parce qu'il est éliminé, parce qu'il est hydrosoluble, quand on veut surveiller l'imprégnation des peintres, d'accord ? Si on n'arrive pas à doser, puisque le benzène est en liposoluble, il va aller rapidement dans les graisses, et bien on va doser tout simplement les phénols. Les phénols, mais comme il n'y a qu'un seul OH, ce n'est pas des molécules qui sont très hydrosolubles. Pour augmenter l'hydrosolubilité, qu'est-ce qu'on ramène ? Eh bien, on va ramener, à partir de, du DPG, un groupement, d'accord ? Et le fixer sur le phénol grâce à OH. Et on aura 1, 2, 3, 4, on aura 4 OH. Et de ce fait, on a augmenté l'hydrosolubilité grâce à une enzyme qui est l'UDP j'ai transféré. On a ramené un groupement, d'accord, et on l'a fixé pour augmenter l'hydrosolubilité d'une molécule qui n'était pas très hydrosoluble. C'est même dans le cas, c'est le même principe que pour la bilirubine. Oui. Vous enlevez le phénol et vous mettez la bilirubine, tout simplement. D'accord ? C'est la fixation de cet aglycone, comme on dit, de cet aglycone, qui a permis d'augmenter, d'amplifier, si vous voulez, de solubiliser, de rendre la bilirubine hydrosoluble. On est bien d'accord ? Donc vous êtes censé retenir, on avait dit, la lanzyme et la glucuroconjugaison américaine à quel niveau de localisation ? Microsomale ou cytosolique ? Microsomale. Elle est performante. Les systèmes enzymatiques les plus performants pour la dégradation, c'est les monoxygénases et dans la phase 1 et l'UTP dans la phase 2. Elle est phase 2, mais elle est à siège microsomale. Ce que vous êtes censé retenir, c'est une coenzyme, elle a besoin d'un coenzyme, c'est quoi la coenzyme ? Et tout simplement, donc vous notez la glucuroconjugaison. L'enzyme, c'est l'UTP G transférase. Et la coenzyme, c'est l'acide glucuronique. Ce mécanisme permet d'augmenter l'hydrosolubilité. Je vais terminer pour ne pas vous préoccuper le truc avec un autre exemple tout simple. Ce mécanisme permet. La coenzyme et l'enzyme. Elle augmente l'hydrosolubilité. Vous vous rappelez ce que j'ai dit ? Je ne peux pas me répéter. J'avais dit que le dérivé conjugué pouvait être éliminé par le rein, parce qu'il est long, ou par la bile. Vous vous rappelez ? On a parlé d'élimination. Selon son poids moléculaire, on peut parler. S'il était inférieur à 250, j'ai dit que certains disent 350, il est à l'élimination. S'il est éliminé, s'il a un poids supérieur à 250, par la bile, il y a un risque entérohépatique parce qu'au niveau de la lumière intestinale, il y a les glucuro-oxydases qui vont faire quoi ? Tout simplement, c'est ce que j'avais donné comme exemple, on ne va pas faire rien. C'est-à-dire 2-4 classes de produits chimiques. Ça, c'est un schéma global. Je vous ai montré le benzène qui donne un dérivé hydroxydèse, qui vous donne le phénol. Le phénol qui peut être conjugué pour donner un dérivé, donc vous pouvez enlever le phénol et vous avez la bilirubine. Mais si c'est un médicament, au niveau de la lumière intestinale, il y a cassure de cette liaison et on libère la molécule à son état initial qui peut être réabsorbée. On a parlé du cycle entéro-hépatique. Vous voyez ? Quand on a parlé d'élimination biliaire. C'est pour faire un truc comparatif, on arrête, vous n'avez pas besoin de noter. On a un truc, je vous demande s'il vous plaît de noter les titres. C'est la sulfoconjugaison. La sulfo, après la glucuroconjugaison, la sulfo. J'ai dit qu'il y avait plusieurs mécanismes, c'est ça ? Le titre, la glucuroconjugaison. Maintenant, c'est la sulfoconjugaison. Vous déposez vos stylos, s'il vous plaît, on a un truc, on va le reprendre. C'est pour vous montrer la différence et la question, pour vous montrer l'importance. Là, l'enzyme, c'est la sulfo, c'est sulfo quand vous disons, c'est donc la sulfate sulfamée. On va ramener. L'enzyme, c'est la sulfo transférase. La coenzyme, c'est ce qu'on appelle PAPS. PAPS, c'est phosphoadénosine, phosphosulfate. Phosphoadénosine, c'est pas la peine, vous allez l'apprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a tout simplement regardé le gros schéma, on avait une molécule, elle, on a ramené quoi ? On a ramené tout simplement un groupement sulfate. Sulfate. Les groupements sulfates, c'est comme les sels. Les sels, on prend un sel, c'est quand on a une molécule. Ce n'est pas physique, c'est qu'on se trouve à quoi sont sulfurant le sel. Soit de sodium, soit de sulfate. Et puis, la molécule devient hydrosoluble. Donc, mais il nous faut une matrice. La matrice, c'est le PAPS. Mais elle est à siège cytosolide. Et je vous ai dit, d'accord, qu'une molécule à siège cytosolide n'était pas aussi performante. Non. D'accord, pourquoi? Si vous la comparez à la glucuroconjugaison, le pourquoi maintenant? Pourquoi la glucuroconjugaison est plus performante que la sucroconjugaison? Je vous demande d'être logique. Un petit peu logique. Est-ce que c'est une histoire d'enzyme? Non, bon, non. Hein? De l'enzyme. Si vous parlez de transport, c'est l'enzyme. Parce que c'est l'enzyme transférase. C'est la UDP transférase ou la sulfotransférase. Est-ce que c'est un problème d'enzyme? Non, je ne comprends pas. Okay. Parce que le glucose est très abondant, alors que le sulfate. Très bien. C'est l'abondance de la matrice. C'est l'abondance. Vous avez plus de réserves glycogéniques que de réserves. Sulfate, les réserves sulfatées vont dépendre de quoi? Très bien, des apports. Et c'est tout cela qu'on va voir dans les problèmes et conséquences. Pourquoi les sujets malnutris ont des problèmes de métabolisation? D'accord? Ça nécessite ce type de matrice. C'est pour ça que la glucuroconjugaison, c'est pas parce que c'est une histoire. Vous pouvez. Je vais caricaturer cette image. Vous pouvez ramener deux maçons qui travaillent bien et vous leur ramenez beaucoup de sable, de briques pour pouvoir faire monter un mur. D'accord? Et ils vont mieux travailler que si vous ramenez 10 maçons et ils n'ont pas les moyens. D'accord? Donc, dans la phase 2, c'est la matrice, dans un premier temps, qui prédomine par rapport à la quantité d'enzymes. Si vous avez assez de matrice, d'accord, il peut y avoir un autre problème, on le voit, ultérieurement. Mais là, j'insiste entre la sulfo, je ne vais pas couper entre les deux, c'est pour tout simplement vous donner cette image, et on le reprendra. Le dimanche, le dimanche, c'est... Vous êtes fort en chien. En tous les cas, le 20 ans de tournage, c'est moi qui vous prends ma première séance. Le dimanche, c'est à 1h30 avec moi. Donc la smart, c'est toujours 10h.